Moi, j'ai un bon contact avec les enfants, quoi, c'est ça, hein. Et oh, ça fait depuis des années que je le fais. Enfin, Noël, ça reste quand même une fête, et puis nous, on est là pour aussi pour que les enfants soient heureux, ouais. Je rêvais dans un somniac. Putain. Ouais. Je rêvais dans un somniac. Yo. Ok. Je rêvais dans un somniac. Ma vie c'est comme un cauchemar. Moi j'écris pendant que j'essaie d'esquiver leur gauche. Vois ce petit gars trim, paroles profs qui m'auront eu dans leur classe. 5 ans après c'est Fitman, tire-toi juste avant que les flics arrivent. Je connais mes textes par cœur, mais pour le reste je suis comme amnésique. Dans la dérive je roule un con, rien de plus naturel comme plaisir. L'insomnie me guette, je sais plus quoi faire. Je rêve de bien dormir, bercé par cette mélodie. Une fois cerné, comment en sortir sans sortir. Tous me veulent, mais qui songe vraiment. Et rattrapé par ce passé qui de passé passera à présent. Je plaisante pas, une fois monté dites-moi comment redescendre. Je devais méfier au parano, le crâne rempli d'infos bouleversants. Freestyle, j'suis pas un exemple, si j'mitraille, c'est que j'ai mes raisons. À quoi sert se prendre la tête si elle tient déjà plus sur nos épaules. J'aurais pas dû lâcher l'école aujourd'hui, j'regrette m'être, j'assume. Donc j'resterai fort malgré mes fautes, ouais j'en perds les mots. Puis tant que l'émotion passe mal, on n'a pas besoin de Pascal. Stop, ne me les casse pas, j'ai la dalle comme je veux Pac-Man, ouais. Pourquoi tu parles, gars? Tu nargues mais tu n'attaques pas. On grand joue pas à cache-cache, car avec les montagnes qui ne croisent pas, et crois-moi. Je voulais juste être bête, affiche que je m'acharne. Dites-moi pourquoi je m'attarde, ils veulent juste que je m'adapte, ouais. Au fil du temps, je me massacre solo. Plongé dans mes pensées, je plane trop. Pour cause pas banale et cavale coco. Ouais, laissez-moi, laissez-moi. C'est bien mieux comme ça, de façon. De façon. Je rêvais dans l'insomniaque. Ma vie, c'est comme un cauchemar. J'écris pour ton essai d'esquiver leur gauche. Enfin, ce petit gars, paroles de profs qui m'auront eu dans leur classe. 5 ans après, c'est vite mal dire, toi juste avant que les hey. Et la suite, tu la connais, l'histoire s'écrit donc reste et t'arrêtes. J'ai grave maigri à cause de vos promesses foirées. De mon côté, je vois pas de progrès. En ce qui me concerne, j'en ai plus cassé. Premier jury craché, police jury parqué, ouais. Par la vie, j'ai été marqué, marqué par ta vie aussi et la sienne. Sincèrement navré, navré, sincèrement navré. Et puis navré de vous avoir déçu. Déçu. Je pensais pas en arriver là, mais une fois touché le fond, ça me perturbe. Ce goût d'amertume, merdume, me reste dans la bouche comme ce bon vieux bédo d'amnèse pure. Pourquoi je rêve plus? Je rêve plus. Dans ce cercle vicieux, je suis calé pour s'en sortir. Y'en a qui se butent. Y'en a qui se butent, quoi? Y'en a qui se butent. A qui la faute si dans ce monde chacun nous trébuche? Mais ouais. Mais ouais, à qui la faute? Il te fait peur le Papa Noël?